Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le secret du son d'abat. Bonsoir, monsieur Melon. Salut Grégoula. Bienvenue dans une nouvelle édition avec encore plein de bons sons, plein de nouveautés et quelques vieilleries comme il faut. Les vieilleries étant parfois aussi neuves que certaines nouveautés. Je m'emballe et on va parler de Kincaidable avec le petit gars qui sert aussi de générique, qui joue un rôle important dans ce morceau. Eh bien, voilà, Dead Feather, le duo Dead Feather qui remixe Kincaidable. C'est sur le EP All the Colors of Night sorti par Ad Nauseam. 4 titres, 4 manières de décliner le genre dubstep, du métal grinçant à la bongra au raga hardcore, en passant par le UK Garage. Tiens, au passage, c'est un remix signé du petit Julien Crumble de Poitiers qui nous signe un petit son garage UK, là, des familles, tout à fait savoureux. Bon, ce petit morceau, ouais. Et nous, on va s'intéresser au quatrième track signé Dead Feather, piano désaccordé façon théâtre abandonné, électro-dub tonitruant, contrastant avec l'ambiance un peu tristounette comme ça. C'est tout à fait réussi, tout à fait efficace. C'est le Murder Us Dead Feather Remix par Kincaidable. Thank you. King Cannibal dans Le Secret du Son d'Abat. Remixé par Dead Feather, donc de la bande de 3x3, le label de Birmingham. Qui était pas en bonne santé, j'avais compris. Alors, bah justement, c'était l'occasion d'en causer, puisqu'on va rester à Birmingham, on va rester avec 3x3. Effectivement, leur distro Baked Goods avait mis la clé sous la porte, il y avait du stock de bloqué, c'était avant l'été de tête. Ça sentait le sapin pour 3x3 et non, ça y est. La rubrique micro peut toucher aussi les labels. Voilà, ils s'en sont sortis, ils ont retrouvé un distributeur, alors j'ai bouffé le nom, mais ça y est, c'est reparti. Et ils annoncent donc une version longue du EP qu'on va s'écouter, là, qui est un EP de remix de leur Versions Grain de Cloaks. Donc Cloaks, c'est Steve Cloaks et son pote Carl, c'est les deux petits gars derrière le label 3x3. Et donc ils nous prévoient pas mal de trucs dans le pipeline, comme ils disent, dont un album de remix du Versus Grain. Et on va s'écouter déjà un extrait de un 4 titres de cet album, un extrait de cet album de remix sorti sur vinyle. Du coup, je vais y arriver avec déjà du monde sur le. Du monde sur la corde à linge, du beau linge même, j'allais dire, avec Legion of Two, qui est un projet de chez Planète Mu, avec Oyars, qui est un projet aussi en devenir, d'électro sombre, comme on les aime, et puis plus connu, Ancient Methods, qui est un duo qui remet au goût du jour la bonne vieille techno-industrielle comme on l'a adoré dans les années 90. Et puis, je termine par celui qu'on va s'écouter à l'instant. La rubrique Justin Broderick, J.K. Flesh, qui se fend d'un remix entre soufre brûlant et acier rugissant, comme il sait faire. Donc voilà, c'est le Rust. Loin des rêveries de son dernier Jésus, c'est ça que tu veux dire? Voilà, qu'on n'a d'ailleurs pas écouté, je ne sais pas si tu as prêté attention, mais enfin, on ne l'a pas diffusé dans le secret, c'est assez révélateur. Voilà. Bref, Rust on Metal sur 3x3 avec un nouveau distributeur, de nouveau dans les bacs et des projets à l'appel, donc c'est Cloaks. We'll be right back. Dans le secret du son d'abat, putain de morceau. Quoi. Un autre pensionnaire du Supersonic Festival de Birmingham qui aura lieu ce mois d'octobre. Putain, j'avais pas fait gaffe, ils étaient à l'affiche, mais vraiment. Cut Hands à l'affiche, Cloaks à l'affiche. Oh là là. Une affiche assez magistrale qui, mon cher Gregoula, les coûts de séjour n'étaient pas prohibitifs. Je crois que depuis longtemps, on irait faire un tour là-bas chaque mois d'octobre. Cut Hands, c'est l'alter ego Afro Noise de William Bennett. William Bennett, c'est le leader depuis 30 ans et des bananes de White House, le projet Power Noise de écossais. Défunt normalement, White House, c'est fini. Supposément défunt, ouais. Étant donné qu'il est à peu près seul maître à bord, Philippe Best étant parti sur d'autres projets. Il a d'ailleurs joué au festival Cable avec ses Consumer Electronics, je crois, son projet actuel en février 2011. Voilà. Donc, seul maître à bord, il fera bien ce qu'il voudra s'il souhaite le réactualiser. D'autant que, je dirais, White House et Cut Hands n'ont jamais été autant. Si ce n'est courtisé, du moins cité comme référence dans les milieux autorisés, y compris, je dirais, enfin, pas uniquement les milieux d'avant-garde, mais c'est vrai qu'il est de bon ton, un petit peu comme il était de bon ton à un moment donné de citer Earth ou Sun O, ben de citer désormais White House. Donc voilà, l'album sort chez Very Friendly et Susan Lowley. Susan Lowley, c'est le label de White House, qui s'est spécialisé dans la parution de toutes leurs œuvres sulfureuses et extrêmes et éprouvantes. Cut Hands, c'est donc sous-titré Afro Noise Volume 1, qu'en appelle d'autres. C'est une série de morceaux composés entre 2003 et 2011 chez lui à Édimbourg, mais vraiment complètement orienté. De par sa passion pour les rythmiques africaines, vers sa interprétation très libre et très, très extrême, donc des rituels africains, de la trance africaine. On en a eu, un exemple assez frappant avec ce morceau Mukinzi Mukundi. Vraiment excellent. Cut Hands, très très bon. On poursuit, on reste en Angleterre avec la sortie de cette très belle compilation sur Soul Jazz Records, cette compilation qui s'appelle Invasion of the Mysterion Killer Sounds. Voilà, qui... deux volets, un volet mixé, choisi, compilé par The Bug, donc Kevin Martin himself, et par le patron de Soul Jazz Records. Soul Jazz Records, on ne présente pas ce label mythique qui compile du reggae, du ska depuis de nombreuses années avec un petit peu de post-punk et des choses un peu mélangées, je pense à Certain Ratio ou ESG. entre autres, et qui avait fait une jolie compile aussi, Future Bass, en 2010. Vraiment, voilà, toujours un label qu'on a toujours entendu du son. Et là, ils ont sorti cette jolie compilation sortie au début de l'été 2011, qui, dans les moments un peu grisâtres de l'été 2011, ont été nombreux, est venu ensoleiller mon été. Sauf qu'évidemment, c'est un dub... pas tout à fait reggae, et c'est pour ça qu'on va l'écouter évidemment. On va écouter un morceau qui s'appelle Annex Crew. Alors j'ai cherché vraiment, j'ai pas trouvé grand chose sur ce Annex Crew, si ce n'est que j'ai vu qu'il y avait déjà du son en fin des années 90 et un petit peu au milieu des années 2000. Annex Crew, on va écouter un extrait de ce dub minimal, donc tiré de cette compilation où on retrouve entre autres The Bug, mais aussi Roots Manuva, et puis des grandes entités du dub, avec autant des oldies qu'avec de la fraîcheur en tout cas. Voilà. Encore un beau travail de fouille en fait, hein, excellent. On va pas dire d'archéologie, mais enfin en tout cas de fouille approfondie des bacs. Et ça c'est bon, on écoute ça quand on met en valeur de la si bonne musique dans le secret du son de bar. Chaud, chaud, chaud dans le quartier. Il est chaud là. C'était Meneo en direct de Buenos Aires, peut-être. Bah, même pas en fait. On est bien à Lorient. On est bien dans le secret du son là-bas. Et on est bien dans les studios de Maple. De qui est rentré ? Ouais, de qui est rentré. C'est chaud là, chez l'eau. Voilà, un instant Meneo, tiré de l'album sorti en 2008 qui s'appelle Santa Nega. Sorti sur le label Dress for Excess. Voilà un chouette album que j'aurais découvert là, en écoutant l'excellente émission Soukouche Ethnique sur Radio Campus Orléans. Ouais, Radio Campus Orléans. Et autant vous dire, c'est compliqué de l'écouter parce que c'est un peu de briques et de broc. Notre podcast fonctionne pas toujours, mais alors le leur, c'est une autre affaire. On les embrasse. On les embrasse. En tout cas, on découvre plein de bonnes choses avec eux. Et en tout cas, j'avais découvert Meneo sur les célèbres compilations ZZK, le label de Cumbia Digital argentin. Et là, du coup, en réécoutant leur émission, ça m'a dit « Oh, mais oui, c'est vrai, c'est bon, ça. » Et voilà, je vous en mets une petite couche, Meneo. Et juste avant, c'était le dub minimal, le orientalisant de Annex Crew, voilà. Avec des petits accents muslim gosien, mais bon, peut-être que... J'ai pensé exactement la même chose. Peut-être neige que ces références-là en tête. Mais bon, c'est vrai qu'il a tellement marqué les gens. Marqué le paysage de dub minimal par son œuvre. Énorme œuvre, quand même. Un jour, je sais pas si on pourrait faire une émission là-dessus. On va poursuivre avec la petite bombe, je sais pas trop quoi, Synthé Wave, parce que c'est la mode, Synthé Wave, allez, employons les mots. Soyons fous, bon bref, c'est de la pop, hein, autant vous le dire. Ça s'appelle Civil Civic, ils sont duo australien, l'un qui est à Barcelone, l'autre qui est à Londres, si je me souviens bien. Ils correspondent à distance par internet. Ils viennent de composer trois singles, dont un qui était sorti sur Too Pure. Et puis là, il y a l'album qui reprend les tubes des singles plus des nouveaux morceaux. Ça sort ce mois-ci, au mois d'octobre, chez Gross Domestic Product. Il s'appelle Rules, l'album. On va écouter un extrait. Il s'appelle Run Overdrive. 10 morceaux, quasiment 10 tubes. Voilà, instrumental, un peu de boîte à rythme, un peu de synthé, un peu de basse. Recette est connue, mais ça marche toujours. À mort. Et Civil Civic, dans le secret du son là-bas, on s'en met une grosse couche. Thank you. Wire dans le secret du son d'abat, tiré de leur mythique album Pink Flag. On aurait pu croire Minus Threat, mais non. On est bien en 77. Et, on est à Londres. Ouais, on est à Londres. Wire vient de sortir un mythique album, Pink Flag, donc. Et ben, ils vont changer un peu la face de la musique et du punk rock. Et voilà, et c'était un extrait de cet album-là. Et du coup, Wire, on revient sur le Festival des Indisciplinés. Ils y seront, c'est incroyable, mais vrai avec The Fall. The Fall, Mythic The Fall, très très rare en France et encore plus à Lorient. Il y aura Herman Dune le même soir, The Shoes, la veille il y aura Grunenborg et The Feeling of Love pour ce qu'on retient. Le lendemain il y aura Baxter Dury, Gablé, Kerena, tout ça c'est dans le cadre du Festival des Indisciplinés. Et vos serviteurs de ce soir seront là aussi pour ambiancer le 9, le 10, le 11 et le 12 novembre. Voilà, on n'oublie pas les Before au Galion, le concert du 9 avec Philippe Wolfloff, tu le disais, et puis les poids de vin de Contact In Vivo en session un peu XP au 4-3, ce sera gratuit en fin d'après-midi, je crois. Ouais, à 17h30 au 4-3, la base de sous-marin, et ça sera un moment très, très spécial pour une performance électrodub un peu tout public, mais deux sessions, je crois. Deux sessions, ouais. Le vendredi 11 à 17h30 et le samedi 12 donc à 17h30 aussi. Vraiment à ne pas louper. Session tout public, tu disais. Ouais, tout public, mais oui, tout public. C'est-à-dire que tout le monde sera content d'y aller. Ça, c'est de la pub. Et puis, surtout, place limitée. Donc là, il faut pas hésiter à se présenter à l'heure. On poursuit avec Christophe Babalon. Christophe de Babalon, on fait un petit saut dans le temps. On déboule fin 2010 avec sur l'album. Sur le label pardon Restroom, c'est la maxi A World of My Own. Christophe de Babalon, c'est aussi un artiste mythique du genre breakcore qu'on a retrouvé sur DHR au milieu des années 90 aux côtés d'Alec Empire à l'époque. C'était peut-être un petit peu la face sombre de ce label spécialisé en digital hardcore. C'était pour les gens déjà c'était sombre, hein, je rappelle. Ouais, mais il y avait un côté Riot Punk, comme le nom l'indique, etc. Bon, peut-être plus festif, peut-être plus poète-poète. Là, on était vraiment dans le côté lunaire, le côté glacial, tempétueux, et peut-être plus cérébral, voilà, du breakcore, de ce genre-là, qu'il a poursuivi, qu'il a continué d'animer, je dirais... avec son petit lot de fans, dont d'ailleurs des gens comme Radiohead faisaient partie, puisqu'il avait, au courant des années 2000, assuré la première partie d'une tournée, si ce n'est mondiale, au moins européenne, aux côtés de Radiohead. Donc. Ça t'occupe, hein. Voilà. Et puis, il poursuit son label Crossfade Entertainment, et puis là, on le retrouve avec A World of My Own, un 6 titres, où on retrouve tout de suite sa patte, violente et glaciale, et romantique en même temps. Très très beau disque de breakcore contemporain, c'est-à-dire d'aujourd'hui. On va s'écouter Overhead. Spleen là dans le secret du son d'abat tout d'un coup là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'était là, d'où viennent-ils, ils vont pas fort. Bah c'est la rubrique nécro, Greg. Ah oui c'est vrai, nécro, et c'est le double nécro celle-ci, la classe. Tout à fait, puisque le précédent album dont on avait fait nos choux gras, on n'était évidemment pas les seuls, et c'est d'ailleurs les amis de Cafioul qui nous avaient mis sur la piste. C'était donc Marry Me Tonight qu'on avait adoré, déjà sorti à l'époque par Blast First Petite, qui comptait en son sein, du moins au moment de son enregistrement, deux personnes qui sont passées à l'AS depuis. De quel groupe là? Parce que les gens, ils n'ont pas suivi. Hein. Tout à fait. Eight Rock. Eight Rock, évidemment. Eight Rock. Les Australiens émigrés à Londres de Eight Rock, trio, donc devenu duo, puisque entre-temps, ils ont perdu Sean Stewart, qui s'est donné la mort en 2010. Et puis le producteur de l'album, ou du moins celui qui avait fait pas mal de parties de guitare, Roland S. Howard, lui est décédé d'une longue maladie. Voilà, donc c'est pas gay, à l'image de leur musique, tout à fait empreinte d'un spleen. Et à la fois, il y a un côté lascif aussi. On n'est pas loin d'une certaine soul américaine. Leurs influences sont très variées, hein, des choses très, très expérimentales comme le label Mego au krautrock, en passant par les univers lynchéens cinématographiques dont on peut reconnaître un petit peu l'influence. Moi j'ai entendu aussi du coil, la voix fait penser pourquoi pas des choses plus 80s comme Anne Clark. Voilà, c'est un album très réussi, j'ai oublié de donner le titre, on oublie tout ce soir. Work, Work, Work, c'est donc sorti par Ghostly International et sans doute aidé aussi par Blast First Petite. Voilà, ça, c'est tout frais, très beau, et je crois que ça, c'est parti pour, à défaut de vraiment fonctionner, en tout cas d'avoir une certaine aura dans la presse indépendante. Est-ce que ça tourne ça? C'est peut-être une autre paire de manches. Alors, ça tourne, et ça joue au point éphémère à la fin du mois d'octobre. Bah oui, bien sûr. Pas beaucoup d'autres dates si loin si proche. Exactement. On poursuit avec une nouveauté, Praxis. On adore ce petit label là, enfin ce petit label. Non pas, c'est du micro label, c'est revendiqué comme tel, même si ça a une énorme influence sur la musique électronique extrême et de danse contemporaine. Ouais. C'est le label donc de Christophe Fringeli. 15-16 ans d'activisme depuis la fin des années industrielles jusqu'au début des années hardcore techno, en passant par la grosse influence breakcore dont il s'est mêlé fin des années 90, début des années 2000, jusqu'à nos jours, avec une production qui s'est ralentie au fur et à mesure des difficultés économiques qu'ont rencontré tous les acteurs, y compris les plus petits. Il en fait partie, mais il tient bon. Et toujours des glettes, vraiment d'une qualité. Voilà, avec un pressage de ouf, du vinyle quasiment exclusivement, et des artistes toujours triés sur le volet. On s'était écouté les amis de les Suisses de Cortex, des ex 1670s dans une précédente édition, et là on est sur le volume 2 de la série Anonymous. Comme son nom l'indique, on n'est pas supposé savoir qui a composé les morceaux. T'as une petite idée. Le morceau qu'on va s'écouter, voilà, bah, évidemment, c'est un ami, donc j'en dirai pas plus. un petit franchise qui sait faire du breakcore comme pas deux. Ah. On s'écoute ça, c'est parti, c'est le Praxis 45, Anonymous Series Volume 2. We'll be right back. Mon cher Greg. Un peu de power pop avec nos Américains de Brutal Truth, de retour avec un deuxième album depuis leur reformation. C'est un nouvel album, il s'appelle End Time, sorti sur Relapse en ce mois d'octobre 2011. Un morceau hyper long. Hein. Hyper long pour... Il y a encore plus long. Il y a encore plus long, l'album, le morceau qui ouvre l'album fait 3 minutes 23. Un morceau mélodique aussi, vous remarquerez, avec une mélodie. Voilà, bon, c'est un peu la leçon hein, quand même. Une fois de plus, vraiment ce très album. Très impressionnant. Ouais, vraiment, cet album de Brutal Truth, c'est vraiment encore une. Vraiment, c'est une franche réussite. Et je trouve que voilà, ce retour de Brutal Truth et sur. Après un premier album de reformation, vraiment, qui était vraiment. Vraiment, que j'avais beaucoup aimé déjà, mais alors celui-là, il écrase tout, hyper varié, avec tout ce qu'ils avaient déjà pu apporter au genre grind dans les années 90, bah, là aussi, ils apportent encore des influences indus, y a des morceaux presque noise ambiant, mais toujours avec ce feeling très, très, très brut et très grind punk, quoi. Voilà, vraiment un très chouette album, le morceau s'appelle Addict. Et que je recommande chaudement. Voilà, il faut le dire. On va se quitter avec un peu de jazz, vois-tu. On va finir en douceur. Oui, bien sûr. Et on va se quitter avec Ultralid. Ultralid, formation scandinave avec les potes de Noxat et de Moa. Ah, là, déjà, ça fait moins de jazz. Et sorti sur Grune Gramophone. Ah, ça fait moins de jazz. Et on va écouter un extrait de leur album, vraiment que j'ai écouté un peu sur le tard, là, courant début 2011. Un album qui s'appelle Inertiadrome, sorti sur Rune Gramophone. Donc, et on va écouter un extrait qui s'appelle Contaminated Man. On va quitter là-dessus. Saxo, free, jazz. Planquez-vous. Et le mot qui fâche. Noise.